Est-ce que t'es assez à l'aise là où tu veux aller genre sur un canapé ou genre on est bien là? Bon, on est bien là, ouais. En fait, je te sens stressée, puis du coup, ça me stresse aussi. Ouais, bah ouais. Mais c'est. D'abord, je voulais te dire, ça va? Ça va et toi? Oui. Super. Tu fais trop des efforts pour parler fort, j'aime bien. Merci. Moi, je sais que j'aime bien quand il y a une présentation au début du podcast et de l'invité aussi, enfin, du concept du podcast. Ouais. Parce que du coup, ça te rappelle pourquoi tu écoutes ce truc, pourquoi tu as choisi de cliquer sur ce podcast. Oui, c'est vrai. Ok. Est-ce que ça t'aidera à toi de présenter si moi je me présente là? Vas-y, présente-toi, je t'écoute. Je vais essayer de faire un truc bien. Bienvenue dans ce troisième épisode de Brioche de vie, le podcast où des gens viennent me raconter des bouts de leur histoire. On va parler d'intimité, d'amour, de culture, je pense beaucoup de littérature aujourd'hui. Pour ceux qui ne le savent pas, qui n'ont pas lu, qui ne sont pas attentifs, je m'appelle Juliette, j'ai 23 ans. Je suis en master 2 d'études sur le genre et les sexualités. J'aime la vie, je suis sagittaire et j'attends l'été avec impatience. Oh, moi aussi. Aujourd'hui, comme vous avez pu l'entendre, je ne suis pas seule. Je suis avec Agathe, qui est un peu ma meilleure amie. Beaucoup ma meilleure amie. Oh, petit rire gêné. Agathe, ça fait à peu près 10 ans qu'on se connaît. Ouais, tu confirmes? J'ai arrêté de compter. Je crois que ça fait 10 ans qu'on dit que ça fait 10 ans qu'on se connaît. Donc ça, on va dire 20 ans. Donc ça fait 20 ans qu'on se connaît. Je rappelle qu'on a 23 ans. Et je me dis que... Genre, je suis assez contente de faire cet épisode avec toi. Parce que je me dis, t'as toujours été là dans un peu les grands moments de mon histoire. Et j'aime à croire que j'ai été là dans les grands moments de la tienne aussi. Tout à fait. Et du coup, je suis assez contente de faire ça avec toi. Est-ce que tu veux te présenter pour les auditeuristes? Et moi, j'avais dans l'idée... que tu te présentes aussi en présentant tes passions, parce que t'es une artiste et j'ai vraiment envie qu'on parle de ça. Alors déjà, artiste, c'est un très grand mot qui fait très peur. Okay. Moi, je me considère pas du tout comme artiste, d'accord, mais plutôt comme effectuant quelques hobbies. Avec talent. Voilà. Je m'appelle Agathe, j'ai 23 ans. Dans la vie, je fais un métier qui me plaît énormément, qui est le métier de libraire, qui associe beaucoup d'éléments que j'aime, la littérature, la culture, tu le disais, les arts aussi. Ça me permet un peu de concilier plusieurs passions. Et donc ces passions qui sont, hormis mon métier, la photographie, j'aime dessiner... j'aime m'entourer de jolies choses aussi. Voilà, donc comme toi, ma petite Juliette. Merci. Mais Suis jolie ou comme moi je m'entoure de jolies choses? Les deux. Okay, comme ça, réponse. Je m'auto-complimente aussi. J'avoue, bien joué. Voilà, donc une amoureuse des jolies choses. J'aime me considérer comme quelqu'un de curieux aussi, et de positive. C'est vrai. Voilà. Là, ça fait à peu près 3 ans que t'es libraire. Faisons le calcul. On est en quelle année? 2020. Ça va même faire 4 ans, je dirais. Ok. Ouais, 4 ans cet été. D'accord. Voilà. J'expérimente encore. C'est ça que j'adore, c'est que je me dis que ça fait 4 ans, c'est un nombre d'années quand même assez conséquent. Quand on voit l'âge que l'on a, on est assez jeune. Au final, 4 ans, c'est tellement peu quand on voit tout ce que ce métier peut nous offrir en termes de connaissances. Y a des choses que je découvre encore tous les jours. Et à la fois en termes de culture personnelle et à la fois en termes de contact humain. D'accord. Voilà. On apprend tous les jours. D'accord. Donc c'est aussi un métier où tu sens que t'es beaucoup dans le contact humain. Ah oui. C'est du commerce aussi, ouais, mine de rien. Donc, tu étais en contact avec des gens toute la journée. Des fois, des gens adorables au possible. Des fois, des gens déplaisants. Tu as envie de les insulter et de les encastrer dans un mur. Mais côté bélier ressort. Mais c'est ça qui fait aussi la richesse de ce métier-là. D'accord. Parce que je vois... je trouve qu'on a une image extérieure assez loin de la réalité quand on pense libraire. Je trouve que ça il y a une image un peu solitaire qui ressort. Enfin, je pense, ouais. Tu sais, genre rien que dans des médias comme des films ou des séries, où, enfin déjà, le libraire, souvent, c'est un mec, puis il est tout seul dans sa petite librairie jusqu'à ce qu'une belle femme entre, tu vois ce que je veux dire? Ouais, c'est soit ça, le gars est, ouais, est tout seul et c'est un très bel homme. Ouais. Soit alors que tu la libraire, voilà, c'est ça. Non, mais je veux dire, c'est ça un peu, oui. le côté du gars un peu intellectuel avec les petites lunettes, qui est super mignon, mais qui ne le sait pas encore. On parle vraiment de Hugh Grant. Oui, et voilà, exactement, pour ne pas le nommer. Et sinon, t'as l'image de la libraire, où c'est la petite nana un peu aigrie, un peu même considérée comme la vieille fille. Voilà, c'est il y a beaucoup de gens aussi, quand je leur dis je suis libraire, ils ont toujours cette réaction qui est le A un peu déçu, la pointe de déception. Oui, et alors que pas du tout, on s'amuse beaucoup. Moi, je me suis épanouie dans ce métier avec justement les clients, mais aussi les collègues. Vraiment, c'est il y a toujours de l'échange, il y a toujours de la rigolade, il y a toujours de la richesse dans ce qu'on partage tous les jours. Et même dans le monde de la librairie tout court, les auteurs, les éditeurs, c'est un monde vaste. Mais c'est ça, parce qu'au final, je trouve ça, du point de vue que j'ai, moi, de l'extérieur, de devoir évoluer dans ce milieu, où je trouve que c'est quand même assez vivant, et finalement, t'es quand même assez prise de par ta librairie qui organise aussi souvent des, enfin, je sais pas comment vous appelez ça, mais quand il y a un auteur qui vient présenter son nouveau livre et puis vous faites des soirées comme ça, ou des fois tu sais tu vas dîner avec les éditeurs ou... ouais. Et je trouve que c'est un aspect qu'on connaît pas du tout du métier. Ah, c'est vrai que c'est pas quelque chose qui est médiatisé à l'échelle de films qui sortent au cinéma ou de séries Netflix ou j'en passe, mais c'est quelque chose, voilà, on essaye d'en faire la pub le plus possible, mais il faut quand même qu'il y ait un intérêt de la part des gens pour se rendre compte que ça existe. Mais justement, il y a le côté un peu excitant de ça, justement, rencontrer un peu les gens du milieu. Yes. C'est un truc qui t'a attiré, toi, quand t'as voulu faire libraire, du coup, quand t'es dans ton école? Pas du tout, parce que moi la première, je savais pas que c'était possible. Okay. Moi, ce qui m'attirait, c'était le côté, enfin déjà le côté livre, parce que je le lis depuis toute petite et ça m'intéresse. Ça m'intéresse. La lecture, c'est un truc qui te fait voyager, qui te fait rêver. Et si t'as le goût de ça, étant enfant, tu l'auras toute ta vie. Il y a des moments où tu peux avoir des pauses et ne pas lire pendant quelques années, mais ça reviendra toujours. Et il y avait le côté aussi humain, parce que je pense être quelqu'un d'à l'aise avec les gens, quand même. Et j'avais ce côté vouloir échanger, pas rester assise dans un bureau et me morfondre. Enfin, moi, j'ai besoin de parler avec des gens, j'ai besoin de bouger, j'ai besoin de faire plein de choses qui me stimulent. Et mine de rien, les gens, ça te stimule. Toujours sur cette position, quoi. Pour ceux qui... Bon, j'ai envie de commenter, parce que les gens, bon, on ne voit pas, mais Juliette est assise avec les jambes croisées, la tablette dans une main. L'air décontracté dans l'autre. T'as toute ma décontraction, là. Avec la lumière de l'écran qui se reflète sur son visage, tel des UV. Dis que je suis pâle. Pardon, je t'ai coupée. Non, je t'en prie, je disais rien. Je voulais discuter de ton métier en termes de fonctions genrées. Mm-hmm. Est-ce que tu t'es rendu compte de discrimination au sein de ton métier? Ou de trucs très positifs? Ou juste comment... Parce que je sais que du coup, ta déconstruction... Mm-hmm. Sur le genre et les sexualités, c'est aussi fait en parallèle. Enfin, t'étais déjà à la librairie, je pense. Enfin, on s'est déconstruite. Ouais. On a commencé à se déconstruire à peu près à la même époque, tu vois. Oui, effectivement. À l'image de ce que tu disais dans ton premier podcast avec Mathis, où tu disais que ta déconstruction se datait de il n'y a pas si longtemps que ça, au final, ben, je me suis rendu compte que moi aussi. Et effectivement, ça correspond à mon entrée en librairie. Déjà parce que plus tu es en contact avec des gens et plus tu te rends compte des pensées des gens, justement, de ces gens-là. Et effectivement, le fait de travailler dans le commerce, ben, le fait d'être une femme, tu te rends compte qu'il y a des discriminations. Ok. Mais ça peut passer des choses toutes bêtes, hein. Par exemple, le client qui te demande de faire un paquet cadeau bleu parce que c'est pour un garçon, ou rose parce que c'est pour une femme, et toi tu bouillonnes à l'intérieur, et au bout de trois explications, cinq explications, dix explications, où tu dis que bah on s'en fout de la couleur et les gens ne comprennent pas, et en fait tu fais juste les énerver plus qu'autre chose, ben tu laisses un peu tomber malgré toi. Donc tu fais un peu un sourire crispé et puis voilà, tu laisses. Ou des fois tu fais semblant de pas entendre et tu mets le papier bleu pour la petite fille. Et ça, c'est un peu la petite Agathe Touch. Sympa. Et voilà, ça peut passer de ce genre de petits détails à oui, quelques remarques sexistes de la part de clients. Voilà, il y a cette proximité aussi avec le client qui fait que tu es à son service et certaines personnes vont en profiter. Ok. Donc voilà, on peut avoir des gens qui ont des gestes ou des paroles déplacées. Et puis même en termes de... Également en termes d'effectifs, de travail. C'est un métier où il y a une majorité de femmes. Je dis pas qu'il y a pas d'hommes, au contraire, même nous, au cours des années, il y a eu plus d'hommes qui sont arrivés dans l'équipe. D'accord. Mais la majorité de l'équipe est composée d'une partie féminine, et donc on se rend compte, parce qu'on échange aussi nous-mêmes nos expériences, donc on se rend compte effectivement qu'il y a des inégalités. Tu penses que c'est plus... J'aimerais choisir le mot pépère. Est-ce que c'est plus pépère pour les mecs, pour les hommes? C'est plus pépère, c'est-à-dire dans quel sens? Bah, où eux, ils n'ont pas ce client qui va aller un peu trop loin. Ou est-ce qu'ils en ont aussi? Ils en ont aussi. Okay. nous, on en a plus, forcément, parce que c'est malheureusement quelque chose qui est plus répandu. Qu'une femme se fasse embêter par un homme. Mais c'est arrivé quelquefois que certains collègues à moi se fassent draguiller par des petites dames un peu avancées, si je puis dire. Ouais. Après, c'est pas... Bizarrement, c'est pas pris sur le même plan. C'est plus pris à la rigolade. Que moi, ça m'arrivait de vraiment d'être dégoûtée par certaines personnes, d'être dégoûtée d'un truc qu'on venait de me dire, parce que ben c'est juste injuste, quoi. Et t'as pas envie d'entendre ça, t'as pas envie d'avoir ça tous les jours, encore et encore. Oui, sachant que tu peux déjà l'expérimenter à l'extérieur. Oui, voilà. Parce que enfin, j'imagine ça peut être des phrases qui sont liées aussi au harcèlement de rue. Et si tu l'entends déjà sur le trajet, t'as envie de l'entendre quand t'es en plus au taf. Exactement. Ok. Dans un lieu où normalement je me sens bien à l'aise, voilà, en sécurité, ben en fait tu l'es pas vraiment, quoi. Voilà. Ok. Ah, taf. On va rester chez soi et lire des livres. Ah, merci, parce que je voulais dire un truc puis après j'avais oublié. C'est Virginie Despentes dans le podcast des couilles sur la table, qui dit que quand on est féministe, c'est faire énormément de sacrifices. Et elle dit genre, être féministe et sortir de chez soi, ça devient compliqué. Parce qu'en fait, t'es tellement sur faire des concessions. Et je voulais te demander si t'étais d'accord avec ça. Oui. Je pense que je suis d'accord. je réfléchis parce que j'ai pas écouté ce podcast et on en a parlé il y a pas très longtemps, et il faut que je l'écoute. Mais oui, je suis d'accord parce que on a tout. Déjà, il y a différents féminismes. Donc, chaque personne, pas forcément femme, hein, mais chaque personne qui se sent un minimum concernée par la cause du féminisme, va avoir une cause, on va dire, va avoir un combat différent. Oui. Et je pense que déjà les combats sont différents et les degrés d'implication dans la cause sont différents aussi. Et ce qui fait que, par exemple, toi et moi, on peut avoir une implication différente et dans le féminisme. Et ce qui fait que peut-être qu'on va s'insurger pour différentes choses aussi. Et donc je pense que effectivement, c'est faire des concessions. Mais c'est ce qui va amener aussi à la compréhension de l'autre. Ouais. Ok. Enfin, je pense. Au plus positif. Je viens de développer cette théorie. Mais parce qu'après, voilà, en faisant une concession, ben, tu peux dire, ok, toi tu viens de dire ça, je comprends, ou alors je suis pas d'accord. Et après, voilà, toi tu exposes ton point de vue et voilà, on peut avoir un dialogue et à ce moment-là, peut-être que ma concession du début, ben, ça va se développer en quelque chose de okay. Quelque chose qui m'aura apporté quoi. Ouais. Et à toi et à moi. Oui, exemple. Quand là, je pense que c'est, enfin, plutôt dans le cas où on va s'adresser à des gens qui sont aussi conscientisés et pas totalement fermés au débat. Ouais, c'est ça. Après on sait bien, t'es positive. Oui, j'essaye de m'entourer du plus de personnes possibles aussi qui voilà, sont propices au débat. Après, c'est vrai que quand tu vas tomber sur une personne qui est complètement fermée à tes idéaux, une personne bête, ou juste aveugle, non, une personne aveugle, on va dire. Ben, effectivement, là, tu vas être amené à faire beaucoup plus de concessions dans le sens où là, vous n'êtes pas du tout sur le même plan d'égalité, de compréhension de la chose, en fait. Yes. Voilà, je ne sais que dire de plus. Il n'y a pas de souci. Je voulais qu'on passe... Qu'on va. Je laisse le temps pour mieux couper. Ouais, je voulais qu'on parle de ton processus créatif. Parce que du coup, t'es quelqu'un qui dessine beaucoup. Ok. Enfin, comme tu dis, tu fais aussi de la photo. Moi, là où je vois le plus ton art s'exercer, c'est dans tes dessins. Et je trouve ça complètement incroyable, ce monde que tu crées dans tes dessins. Il faudrait peut-être que je mette une photo pour que les gens y voient, ou je mettrais peut-être un lien, je sais pas, mais... C'est incroyable ce que tu dessines, et je me demande toujours d'où ça te vient. Parce que moi, je vois le monde, enfin, j'ai du mal à imaginer un monde qui n'est pas celui dans lequel je vis. Et la femme échalote, je ne l'ai jamais croisée. C'est une autre échalote. Ouais, voilà, l'autre, c'est encore mieux. Tout ce qui est mélange de légumes et d'animaux, c'est vrai que... C'est lucratif, on aime bien. D'accord, je suis d'accord. Déjà, ça me fait plaisir, merci. Les gens vont s'attendre à genre quelqu'un qui dessine des trucs de ouf. Bah c'est le cas. Alors que bon bah voilà. Enfin. Non mais peut-être comme c'est toi qui le fais, tu t'en rends pas compte, mais c'est vraiment incroyable. Ouais, mais c'est gentil. Merci. je sais pas du tout. En fait c'est intéressant parce que j'ai jamais réfléchi à ce processus créatif comme tu créatif. Comme tu me poses cette question, en fait j'ai juste envie de dessiner quelque chose qui ben justement sorte de l'ordinaire et un peu m'échapper de cette réalité. Okay. Du coup il y a peut-être un parallèle avec la photo parce que du coup moi j'adore et dans un côté ça me rend un peu triste de ce que tu dis, que tu vois plus mes dessins que mes photos, alors que je crois que ce que je préfère faire, c'est les photos. Et c'est ouais. que je vois tes photos, enfin je sais que t'as à l'occasion ton... en fait. Oui voilà, genre je vais sur ton Flickr de temps en temps, je vois tes photos sur Instagram, mais c'est encore autre chose, enfin, c'est des photos magnifiques, mais bah, ça, je les classe dans les photos Instagram, tu vois ce que je veux dire. Bah c'est ça, mais c'est pas, en plus les photos Instagram c'est pas du tout but, Oui voilà. C'est pas du tout le même but, c'est vraiment juste le petit souvenir que tu captures et t'as envie de le partager avec tes copains, c'est ça. et voilà. Et la photo, pour le coup, c'est vraiment un jeu d'observation. Et c'est un truc que tu travailles tous les jours, au final. Je pense que c'est pour ça que ça me touche plus, parce que la photographie, même si j'ai pas mon appareil avec moi tout le temps, je devrais, mais je ne le fais pas. Mais tu vas toujours porter 8 kilos hein. Ouais, c'est ça. Mais c'est quelque chose, au final, que tu exerces tous les jours, parce que tu entraînes ton œil. Tu te dis, tiens, ça ferait une belle photo, tiens, la lumière est jolie ici, tiens, cette femme vient de passer dans ce ray de lumière, ça aurait fait une super photo. Des trucs tout bêtes, mais qu'en fait, tu apprends à observer le monde avec ton œil à toi. Et donc, c'est pour ça que j'adore faire les photos, parce que vraiment, c'est capturer ces moments du réel qui soit sont magnifiques, soit témoignent de scènes de tous les jours qu'on va peut-être oublier un jour, mais justement non, faut pas les oublier, donc on les prend en photo. Et donc avec le dessin c'est un peu le contraire, j'ai envie de sortir complètement de ça, et du coup voilà, je dessine des animaux un peu biscornus avec un crocodile avec un panier de fruits sur la tête. Je les adore, c'est vraiment j'adore. Voilà, c'est un peu un côté ultra coloré que j'aime bien aussi. J'aime bien un peu exploser tout ça sur la feuille de papier. Ok. Voilà. Du coup, quand tu marches dans la rue, ouais, tu regardes ce que tu pourrais prendre en photo. Ouais. Et tu fais des photos mentales. Ouais. C'est génial. C'est exactement ça, ouais, des photos mentales. Mais vraiment, c'est ça, c'est comme ça que tu... Au final, je me dis, comme je prends pas des photos tout le temps, bah c'est une manière de ne pas perdre la main, si tu vois ce que je veux dire. Bah du coup là tu perds pas la main, tu perds pas ton œil. Ok. Gros guillemets, faut pas perdre l'œil. Pardon, pas l'œil. Mais voilà, c'est une manière d'observer aussi le monde et de se réjouir des petits détails. C'est triste les gens qui marchent et qui regardent leurs pieds, tu vois. Oui, mais sinon on peut tomber. Alors oui, quand tu t'appelles Juliette. Je suis désolée, mais j'aimerais regarder le ray de lumière et qui passe dedans. Mais après, je vais avoir mal. Ah, j'ai pas dit que je tombais pas, par contre. Est-ce que tu te prends des murs, du coup? Ouais, je me prends plein de choses, tout le temps, des gens, des meubles, des enfants, qui sont plus bas que mon genou, c'est mort. Des enfants. Est-ce que t'as ce truc... tu sais, un peu des gens disent, c'est pas des habitudes bizarres, mais où tu sais, genre, je sais pas moi, la personne à côté de qui t'es assise dans le bus, je sais pas, tu te mets à imaginer sa vie, où est-ce qu'elle va, ou des trucs comme ça. Est-ce que ça t'arrive des trucs bizarres comme ça? Ouais. Ok, c'est où, quand, comment, pourquoi? Bah, fut un temps, je prenais beaucoup le bus, et donc oui, effectivement, j'observais les gens, je les détaillais, c'était un peu flippant d'ailleurs. Ah, c'était toi? C'était moi. Mais ouais, je les observe un peu. J'aime bien écouter les gens aussi. Ah ouais. C'est un peu un vice, un vice secret. Tu vois, t'es dans un endroit où il y a du monde, t'es dans une file d'attente, dans un bar, au resto, et il y a des gens qui parlent. Et d'un coup, moi, je m'arrête de parler et j'écoute. Et j'ai envie de savoir ce qui va se passer dans leur vie. Ah, vraiment? Est-ce que t'as un souvenir comme ça d'une conversation où... Ils étaient en train de dire quelque chose de complètement insensé ou... Ben... C'est vraiment pas des trucs qui restent, j'ai l'impression. Si, une fois, dans le bus, une nana... Mais alors, c'est pas du tout passionnant. Une nana qui répond au téléphone, mais elle hurlait. Et elle parlait d'un meuble. Et c'est franchement, pendant 15 minutes, pendant tout le temps du trajet, elle disait « Oui, du coup, j'ai pris la commode en blanc, mais du coup, le tiroir, il passait pas, alors on a fait ça. Et puis Thierry, il a enlevé la poignée. » Et c'était vraiment l'histoire la plus chiante du monde. Mais elle est arrivée à la rendre intéressante. Alors toi, dans le bus, tu voulais absolument savoir si la commode allait rentrer dans l'immeuble. Ouais. Tout le monde écoutait l'histoire d'immeuble de Thierry. Tout le monde avait envie de savoir la suite. Ah, c'est génial. C'est encore plus génial que c'est vraiment insignifiant. Mais oui, vraiment. Ouais, c'est pas comme si genre... Ah, mais t'as creusé les tranchées, mais cours, cours. Ouais. Et cette nana, mais pour le coup, elle m'a vraiment elle m'a impressionnée parce qu'elle elle est arrivée à rendre une histoire complètement banale en quelque chose de super intéressant. J'ai vraiment envie de regarder le film, tu vois, de l'histoire de ce meuble après. J'avoue. C'était respect à vous, madame Dubus. Alors, ce qui est vraiment super, c'est que j'ai écrit mes questions dans le désordre. Aïe. C'est bien, ça fait bosser ta mémoire. Pas du tout. Moi, ça m'arrive aussi pour les rencontres avec les auteurs. J'écris plein de questions et les auteurs digressent énormément quand ils répondent à mes questions. Et d'un coup, il y a toujours un moment où j'étale toutes mes feuilles sur la table et je panique parce que la question prend fin. Il faut que je rebondisse avec une autre de mes questions, mais qui se trouve dans la page 3 alors que lui répondait à la question de la page 1. Et donc, je comprends ta panique. Pour réexpliquer aux éditaristes, du coup, tu fais des rencontres avec les auteurs et les autrices? Oui, ça m'est arrivé. Que se passe-t-il dans ces cas-là, si tu veux? Un moment magique. En gros, c'est sur un format de à peu près une heure où un auteur ou une autrice sont face à face avec un ou une libraire qui va poser des questions. Soit sur le livre qui est sorti, soit sur la vie de l'auteur-autrice, voilà, soit sur plein de choses, plein de thématiques, on a carte blanche. Et quand les personnes sont intéressées toutes les deux, ça donne lieu à un échange super intéressant. Et jusque-là, moi j'ai eu quelques rencontres avec des auteurs et des autrices que j'adulais. Cool. Et c'était vraiment enrichissant, c'était vraiment chouette. C'est un super exercice aussi pour s'affirmer. Yes. Et en tant que personne, et en tant que libraire aussi. Pour le coup, ça te fait grandir un peu. Tu te dis, ouais, j'ai passé une étape, c'est bon. Tu me donnes une transition toute faite. C'est cadeau. Fondu étoilé, petit stress. Fondu étoilé, le meilleur. Je voulais parler de ta construction en tant qu'adulte et de ton travail sur ta confiance en toi. Alors, adulte, pas encore, c'est un mot qui me fait encore peur. Dis la dame qui travaille depuis 4 ans. Mais oui, mais non. Non, adulte, j'ai pas envie d'être adulte. Je ressens vraiment ça. L'adulte, c'est la paperasse, c'est les impôts. Non, j'ai pas envie. Bah pour le coup, je vais revenir sur le métier de libraire, mais c'est vrai que c'est quelque chose qui m'a énormément fait du bien parce que, en fait, je trouve que la confiance en soi, ça passe énormément par les autres aussi. Enfin, en tout cas, chez moi, j'ai besoin de... Je parle du nez. Oui, un peu. J'ai besoin de m'affirmer auprès des autres. Elle se fiche de moi. Mais on est en hiver, c'est normal. Je parle du nez. Bientôt le printemps, 21 mars. Là, le rhume des foins, j'ai hâte. Le rhume des foins. Ouais, du coup, la confiance en soi, c'est quelque chose qui passe par les autres. Par l'approbation des gens. Et l'échange aussi. Et donc, moi, ça m'a fait énormément grandir. Et ça m'a fait me faire accepter aussi. Parce que plus tu vas vers les gens et plus t'es à l'aise et plus tu fais des blagues et en fait c'est un espèce de cercle vertueux. Mmh. Et ouais, en fait c'est un processus quand même qui est assez long aussi parce que c'est pas quelque chose qui se fait du jour au lendemain, tu vois, tu vas pas te dire allez je suis à l'aise avec tout le monde parce que ben voilà il y a un temps d'adaptation, mais je fais des gestes, c'est affreux. J'adore. Je fais des grands gestes et personne ne me voit. Agathe est très connue pour faire des gestes quand elle parle et renverser tout ce qu'il y a autour. C'est pour ça qu'on s'est installé sans rien autour, en fait. T'avais peur que je fasse tomber. On est vraiment au milieu de rien. Mais trop de bières ont été gâchées en été, ah là là. Agathe. J'ai une ardoise. On devrait vraiment faire un montage avec une musique triste de toutes les bières, pour toutes les bières renversées. Ah, quelle horreur. Et encore, tu comptes pas la nourriture, c'est bien, ça me fait plaisir. C'est pas faux. Et du coup, moi je voulais dire, pour rebondir sur ce que tu disais, sur quel point en particulier tu penses que tu avais besoin de l'approbation d'autrui pour croire que tu étais... C'est horrible comme question, elle est horrible ma question. Parce que t'as dit, bien. Non, parce que t'as dit avoir confiance en soi, c'est aussi l'approbation d'autrui. Autrui. Et moi, du coup, je me demandais, parce qu'en fait, ça m'a fait juste réagir parce que, ben, comme on dit, moi je te connais depuis longtemps. Ouais. Et on n'a pas dit aux gens comment on s'est rencontrés. On le dira après. D'accord. On le dit maintenant ? Allez. Ça part en couille. je comprends beaucoup. Tu feras un bip. Ouais, en gros, comme t'as dit, avoir confiance en soi, c'est aussi être passé par l'approbation des autres. Ouais. Et moi, ça m'a fait réagir parce que je pensais pas ça de toi, que t'avais besoin des autres pour te sentir bien. C'est nul en fait de dire ça parce que on devrait pas avoir besoin des autres, mais mine de rien, en fait, c'est parce que du coup moi j'ai remarqué que c'est quelque chose qui m'avait fait grandir, tu vois, de vraiment de partager des choses avec plein de gens hyper intéressants, hyper enrichissants. Bah en fait du coup ça te fait grandir toi aussi, déjà juste par juste à discuter de livres avec mes collègues ou avoir des discussions sur la vie avec mes copains. Enfin voilà, ça, mine de rien, ça te fait grandir quelque part. Enfin, à un moment donné, il y a une espèce de déclic qui fait que ben, je me suis dit détends, t'inquiète, c'est bon, les gens sont cool, toi t'es cool aussi avec ça, donc on va avancer dans la vie comme ça, sans trop se prendre la tête. Et après, la confiance en soi, elle est pas acquise non plus. Enfin, il y a des moments de doute tout le temps. Mais c'est ça qui fait aussi que ça donne envie de s'améliorer, ce manque de confiance en soi. Ok. Elle réfléchit. Mais en fait, tu me stresses parce que tu la MFX. Ah oui, bah ouais. Je vais regarder le plafond. En fait, c'est que du coup, j'ose pas te... En fait, comme on se connaît tellement bien... Ouais. Il y a des questions que j'ose pas te poser. Et depuis tout à l'heure, je suis là, bon, allez, elle finit, puis je le dis. Vas-y, crache le morceau. Parce que je trouve que là, tu tournais autour un peu des mêmes sujets. Mm-hmm. Et je me disais, par exemple, sur ta confiance en toi. Mm-hmm. Genre, par rapport à genre, ta personne et pas sur tes acquis... Genre, tu disais, j'ai beaucoup appris par mes collègues quand on parlait de livres ou des gens quand on parlait de la vie. Mais je trouve qu'il y a un moment où tu as été super timide. Ouais. Bah, moi aussi. Puis après, moi. Ouais. Et comment ça s'est fait ? T'as lancé dans la vie ? Bah, en fait, pour le coup, moi non plus, j'arrive pas parce que vraiment, ça se dissocie pas de. Ouais. De, donc c'est vraiment passé par la culture quoi. C'est vraiment passé par ça, ouais. Okay. Et parce que voilà, enfin quand t'es dans un environnement où tu te sens vraiment à l'aise et où tu peux développer un peu tes capacités, enfin pour le coup j'étais un moment aussi toute seule, ouais. Et donc c'est du temps que j'ai mis à profit pour développer aussi les choses que j'avais envie de faire pour moi. Enfin, en fait, c'est vraiment un espèce d'effet boule de neige où la librairie m'a rendue encore plus curieuse et donc la curiosité m'a poussée à me lancer encore plus dans la photo, le dessin, la lecture. Enfin, il y a vraiment, vraiment plein de domaines. Les expos, les sorties cinéma, tous ces petits trucs mis bout à bout, ça fait que Ben, ça me donne de plus en plus envie de découvrir les choses, le monde. Et en fait, je sais pas, cette soif de découvrir les choses, ben, ça m'a donné envie de me découvrir aussi moi. Et donc, c'est vraiment lié, tout ça. Et du coup, bah, quand tu te sens à l'aise avec ce que tu es, ben, du coup, tu t'ouvres encore plus au monde. C'est hyper cliché, ce que je suis en train de dire. Ouais, mais ça fait du bien aussi. Enfin, les clichés, ils sont là parce qu'ils marchent, quoi. Ouais, j'aime les clichés. Aussi. Vraiment, je pourrais pas t'expliquer sans dissocier du métier que j'ai choisi. D'accord. Parce que vraiment, c'est un tout, quoi. Enfin, c'est vraiment un métier que t'as dans la peau, même hors des horaires de travail, tu vois. Ok. Genre, je suis toujours assoiffée de culture, même après 10h, même après 19h, tu vois, enfin, c'est... Ok. Du coup, t'as dit quand on est à l'aise avec qui on est, ou quand t'as été à l'aise avec les autres, t'étais à l'aise avec toi, et t'arrives pas à dissocier ta confiance en toi de la culture. Ouais. Et du coup, je voulais savoir comment tu définirais la notion d'intimité. La notion d'intimité, Bah oui, à un moment il faut qu'on y aille. À un moment il faut y aller. Hein. Ouais, tu as vu que j'évitais un peu le. Sans blague. Le sujet. L'intimité, c'est encore quelque chose avec laquelle je suis pas hyper à l'aise. Avec tout le monde en tout cas. Parce que pour moi, l'intimité, c'est vraiment quelque chose que tu vas partager avec les personnes que tu as choisies. Mmh. Et en fait, pour moi, l'intimité, c'est quelque chose que tu vas forcément lier à l'intimité amoureuse. Enfin, moi en tout cas. Après, tu as différents stades d'intimité. Enfin, comme toi et moi, on peut être intime. petit clin d'œil. C'est vraiment quelque chose de privilégié, l'intimité. Et moi, ça passe un peu par le contact physique, par exemple. Si je veux faire un câlin à quelqu'un, c'est vraiment que cette personne, je suis intime avec elle. Il y a vraiment cette notion de démonstration d'affection que moi, je garde pour moi, mais que je vais... que je vais utiliser entre guillemets que sur les personnes qui pour moi sont dignes de confiance, on va dire. Alors comment on peut entrer dans ton cercle privilégié, Agathe? En étant gentil. Ça ferait beaucoup de monde là. Ça ferait beaucoup de monde. Comment on peut entrer dans mon... T'as dit quand même, quand je fais un câlin à quelqu'un, c'est que c'est vraiment une personne privilégiée. Ouais, après c'est une histoire de confiance aussi et une histoire d'être à l'aise. Si je me sens vraiment à l'aise avec toi et qu'on a établi une relation de confiance, il n'y a pas de soucis à se faire, je viendrai te faire un câlin. Mais après c'est vrai que même encore avec mes amis, je peux avoir une réserve qu'avec mon amoureux, par exemple. Ouais. Où je peux être très tactile à ce moment-là. D'accord. Donc, il y a un peu des degrés. Est-ce que tu mets des hiérarchies dans tes relations? Non. Non. Non, parce que hiérarchie, ça voudrait signifier que j'en mets un au-dessus de l'autre. Ouais. Mais tu peux pas me demander de choisir entre... ma famille, mes amis et mon amoureux, tu vois, par exemple. Ouais. Enfin, ça... D'accord. Ça n'a pas lieu d'être, il n'y a pas de hiérarchie à avoir parce qu'il n'y a pas de... T'aimes tout le monde. Il n'y a pas de préférence. Ouais, c'est pas du tout mis sur les mêmes plans. Et puis, pourquoi choisir, après tout? Non, vraiment. Mais il y a des gens à qui tu vas partager certaines choses et tu ne vas pas les partager à d'autres, mais t'aimes tout le monde à peu près à la même échelle, quoi. Ouais. C'est ça. D'accord. Et qu'est-ce qui du coup va différencier un ami d'un amoureux? Elle sourit. Je saurais pas te dire, enfin, il y a vraiment un je ne sais quoi en plus, enfin, c'est hyper compliqué à définir parce qu'il y a des choses par exemple que je peux avoir en commun avec mes amis que je peux pas avoir en commun avec mon amoureux et vice versa. Il y a des choses que je vais partager avec mon amoureux et pas avec mes amis. Enfin, c'est un peu comme j'irais pas dire jusqu'à dire que ça se complète, mais je suis en train de dire n'importe quoi. Non, ça va. Là, c'est compliqué comme question. Enfin, vraiment, c'est un truc qui se ressent, je sais pas. Moi, je le ressens dans mon ventre. Tu vois, je vais pas regarder. Je vais pas regarder mes amis de la même manière que je vais regarder mon mec. Et en fait, je sais pas, genre, il y a une espèce de petits trucs, quoi, qui se produit et. Est-ce Je sais que pas. c'est ce qu'on appelle l'amour? Oui. Ouais. Ouais, ben oui. De l'amour amoureux, mais après. Parce que si je peux, si tu veux que je reformule, peut-être ça peut t'aider. Oui, s'il te plaît, je En suis fait, patauge. j'étais en train de me demander, parce que toi, quand t'es. Bah, du coup, je connais un peu ton passif amoureux, et je sais que t'es pas sortie avec n'importe qui, dans le sens où, quand tu sors avec quelqu'un et que tu vas dire officiellement, ça, c'est mon mec, c'est quelqu'un qui va quand même beaucoup compter pour toi. Principalement, ce sera de l'amour, non? Oui. Et du coup, ton rapport à l'amour, c'est. Enfin, je sais pas, moi, c'est une question. Est-ce que c'est un privilège que t'accordes de faire entrer quelqu'un dans ton intimité en ayant comme attendu d'être sûr que c'est quelqu'un qui valait le coup? Ouais, exactement. Ok. C'est exactement ça. Ouais, je veux pas. Comment dire? Je veux pas ouvrir mes sentiments, ouvrir mon cœur à quelqu'un qui s'en fiche, qui s'en fichera royalement, qui ne me respectera pas, qui mettra ça au second plan. Faut que je sois sûre qu'il y ait quand même quelque chose de fort et de réciproque aussi, Il faut que mine ce de soit rien. quelqu'un qui va trouver ça aussi important que toi. Ouais. Ouais. Et en fait, si par exemple j'ouvrais les portes de mon intimité, pardon, à quelqu'un qui clairement s'en ficherait. Ben, en fait, je serais complètement blessée. Enfin, je pense qu'il y a une histoire d'ego quand même derrière, qui est assez fort. Et il y a le côté, ouais, voilà, de peur d'être blessée aussi. C'est une vraie peur qui est présente, que je ne saurais t'expliquer, mais juste. C'était ma question d'après. c'est pour ça, c'est important. D'accord. Et tu sais pas Ouais. du tout d'où ça vient, soit la peur d'être blessée ou cet ego, cette envie d'être considérée aussi importante que tu considères les autres. Ah, c'est pas mal ça. Ouais. Oui, effectivement, des fois ça fait. Ouais, des fois t'as envie que les gens te considèrent comme toi tu les considères. Enfin, pour le coup, il y a cette volonté de plan d'égalité des sentiments. Que ce soit bah, du coup en amour, en amitié. Et donc bah, pour le coup, on y revient bah, au travail aussi. Enfin, il y a vraiment toujours ce sentiment d'équité Qui prime. qui prévaut, quoi, qui prime exactement. Donc, Je suis en train de comprendre plein de choses sur toi, Agathe. ouais. Merci pour ça. Ça me fait plaisir, écoute. Est-ce que ça se passe bien pour toi? Oui, très bien. C'est bon? Oui. J'avais peur que tu sois là, mais dans quoi elle m'embarque? Ouais, je suis là, alors, franchement, je suis à deux doigts de m'allumer un cigare. Et de mettre mon peignoir. Non, vraiment, Hemingway écrit très bien, mais je comprends pas pourquoi ce sont toujours de vieux hommes. Question que je me poserai. Mais pas avec un cigare, hélas. Oh, une vogue. C'est plus sympa. Est-ce que tu as des exemples ou des expériences positives sur ton apprentissage de l'amour ou de la sexualité? Pardon? Je crois que j'ai lâché en cours de route. Tu veux qu'on fasse une pause? Des expériences positives de relations amoureuses? Ouais, soit que toi t'as vécu ou que t'as vu vivre autour de toi, ou que ouais, t'as vu dans des séries ou des histoires comme ça, où tu t'es dit là j'ai appris quelque chose, et puis ça c'est une relation saine. Et peut-être quand on... dans ton apprentissage de la sexualité et de l'amour, tu t'es dit, ben, ça, c'est peut-être un modèle, c'est peut-être comme ça que ça devrait se passer. Ben, attends, je réfléchis, parce que des histoires d'amour, qu'elles soient réelles ou fictives, j'en ai vu pas mal. Est-ce que tu veux que je pose une autre question? En fait, c'est vaste. Ouais. Le choix est vaste. Tu veux que je réduise un peu les champs de possible? Oui, s'il te plaît. Autour de toi. Autour de moi. Alors, si tu veux, pour poser une autre question, je me demande, depuis pas très longtemps, est-ce que l'amour existe vraiment? Ouais. Ou est-ce que c'est un idéal qu'on nous vend, et qu'en fait, l'amour, ce serait totalement autre chose, mais comme on nous vend dans la littérature ou le cinéma, tu sais, des amours déchirants ou des coups de foudre irrésistibles, et on nous dit, ben ça, c'est l'amour. Puis peut-être nous, on se dit, ben tiens, tant que j'ai pas ça, c'est pas vraiment l'amour. Et en fait, est-ce que finalement, l'amour, ce serait quelque chose qui existe comme on nous le vend, ou est-ce que l'amour, c'est totalement autre chose, et c'est, je sais pas moi, peut-être plus doux, peut-être... Peut-être que ça n'a pas besoin d'avoir 1000 péripéties pour exister, tu vois. Alors, c'est rigolo parce que j'ai eu cette discussion il n'y a pas longtemps. On m'a dit, mais toi, tu crois au coup de foudre? Ah, ça, c'est une bonne question. Et en vrai, et moi, j'ai répondu, moi, j'y crois, mais pas pour moi. En fait, parce que moi, j'ai besoin d'apprendre à connaître la personne, d'apprendre à aimer la personne. Et au final, moi, ça me convient très bien de travailler mon amour, en fait, pour qu'il grandisse, justement. Mais après, je crois au coup de foudre parce que j'ai lu des histoires de gens, de témoignages qui disent, bon voilà, j'ai rencontré machin et j'ai immédiatement su que ça allait être l'homme ou la femme de ma vie. Et en fait, c'est des jolies histoires et vraiment, t'as envie d'y croire et tu te dis, c'est beau, ça existe. Donc oui, j'y crois au coup de foudre. Mais moi, du coup, je pense que l'amour, en tout cas personnellement, ben, c'est quelque chose que tu vas travailler. Ça va pas être tous les jours l'histoire ultra palpitante, ultra déchirante, ultra, voilà, comme tu me dis, comme on va retrouver dans les films, où ils font une choré sous la pluie pour récupérer le bien-aimé. Enfin, moi, je pense que ouais, l'amour, ça existe. Et qu'il faut voir les choses, toujours voir le côté un peu positif et communiquer énormément aussi. Parler toujours de ce qui plaît, de ce qui plaît pas. Et c'est là que tu vois aussi que ben, la personne, t'es bien avec elle ou au contraire. Enfin, c'est ce qui va te permettre de réaliser ça. Et... voilà, je pense que c'est vraiment quelque chose qui évolue aussi au fil du temps, mais qui peut rester. Oui. Voilà. Okay. Moi, j'y crois. Je suis une petite fleur bleue, mais j'y crois. J'ai 4 questions. Il va falloir qu'on s'en rappelle. Très bien. J'ai déjà oublié les 3 premières. Oui. Je vais rebondir sur ce que tu as dit à la fin, mais je voulais revenir sur un truc qu'on a dit un peu avant. Très bien. Où en fait, ma réflexion sur l'amour, elle est venue quand j'ai lu Amour solitaire. Ok. Et à la fin du deuxième tome, spoiler alerte, accéléré à peu près de 30 à 45 secondes parce que je vais spoiler. À la fin, vers la fin du livre, un des personnages dit « Je n'ai jamais aimé quelqu'un autant que toi, mais l'amour n'existe pas. » Ok. Et là, je me suis dit « Mais alors, quoi ?» Mais alors, c'est quoi ? Et c'est là où je me suis dit « Est-ce que c'est la recherche d'un idéal ?» Et puis, du coup, c'est un peu... est-ce que finalement, c'est pas Emma Bovary qui avait raison, tu vois, depuis le début ? La fameuse... Qu'à force de chercher, ben, il n'y a rien parce qu'en fait ça n'existe pas. C'est quelque chose qu'on nous vend. Si, ça existe, mais c'est juste que tout le monde ne l'expérimente pas de la même manière. Mm. Et je pense que l'amour, en fait, on a mis un mot sur ce sentiment qui peut être bien vaste, mais du coup, on a mis le mot amour pour le nommer. Pour nommer cette chose qui est un peu incontrôlable parfois. Pourtant, c'est une réaction chimique dans le cerveau. Merci. Je vais faire semblant de ne pas avoir entendu. Et je vais continuer de déblatérer mon discours. Ça me plaît. Des fleurs bleues. Mais. Et quand tu dis. Bah, elle est bien agréable, cette réaction chimique. Donc, voilà. C'est vrai. C'est tout ce que j'ai à dire. C'est vrai que c'est un sentiment agréable. Tu as dit. Et moi, je crois que l'amour, ça peut durer. Ouais. Mais sur quoi tu te bases pour dire ça ? T'as des expériences du coup ? T'as des... L'espoir. Non, okay. Mais Est-ce que t'as un modèle ? Moi, je vais... On a un couple d'amis, toutes les deux, qu'on a envie... C'est vrai. Qu'on en vit depuis des années. Vous savez que c'est vous. Je sais que vous savez que c'est vous. Et je sais qu'elle écoute. Coucou. Et ouais, pour moi c'est un chouette modèle parce que ils ont su contre vent et marée. Ouais, ils ont su évoluer en fait. Ouais, c'est hyper stylé. Tous les deux avec ce que les événements de la vie leur ont offert. C'était nul. C'est très bien, fait, Agathe, ils sont ne stresse par, pas. Ils sont passés par plein d'étapes et je trouve qu'ils ont passé ces étapes avec brio. Et moi, ils m'ont laissé sur les fesses, hein, vraiment. Pantoise. Une pantoise, tout à fait. et avec toujours simplicité et tendresse et humour aussi beaucoup, parce qu'ils sont quand même très très drôles ces deux-là. Mm-hmm. Et moi, je leur souhaite tout le bonheur du monde. Et en fait, voilà, ce genre de truc... je ne sais pas. Oh, je chiale. Mais voilà, par exemple, parce que c'est des gens proches et, oui. Et que c'est des belles personnes, t'as envie que bah, ça reste, quoi. Il est vrai. Voilà, tout à fait. Tout à fait, tout à fait. Vous entendez ? Tenez bon. Ah non, non, très bien. Il y avait trois autres questions, quelque part. Ah, il y en a une, elle s'est échouée. Et à moins d'être très très forte, ouais. Elle est perdue. Ah, très bien. Alors, mais... la question. Bye question. Bye question. De quoi tu rêves en amour ? De quoi je rêve en amour ? Oh, c'est dur comme question, mais c'est des choses, tu vois, genre, qu'il faut verbaliser, et c'est des choses que moi, forcément, je me suis pas forcément, enfin, c'est des choses que moi, je me suis pas forcément demandé. Mmh. Mon rêve en amour, là, là, là, d'être acceptée telle que je suis, et pas faire semblant. Ça, j'y travaille en tout cas. Enfin, j'essaie d'être le plus fidèle possible à moi-même. Et puis Et puis ça vibre. mon rêve en amour. C'est vraiment compliqué parce que c'est quelque chose en plus que j'aime bien vivre au jour le jour. Et donc je me rends pas forcément compte. Non, vraiment que la personne me manifeste autant de tendresse et d'intérêt qu'au début, et que pareil de mon côté aussi. Moi j'ai envie d'aimer la personne et de lui donner tout mon amour possible et sans qu'il y ait jamais de lassitude. Ça me fait un peu peur, la lassitude. Ok, pourquoi ? Bah, je ne sais pas. Okay. Genre après, parce que la lassitude, ça peut mener au rejet, à l'oubli. Ouais. Et t'as pas envie forcément de ça. C'est vrai. Du coup, c'est ce qui te fait peur en amour ? Oui. C'était ma quatrième question. Oui. C'est okay. Ça, c'est le rejet. L'abandon. Du coup... Il y a encore ce côté d'ego qui revient, je pense. Il est là, tout autour de nous. Il nous entoure sous ses bras. Parce qu'en fait, ce que j'aime bien depuis le début, c'est que je pense que tu réponds avec l'idée de ta relation actuelle en tête. Oui. Et je trouve ça assez intéressant. Ouais. Ça va, je veux dire, t'es assez général sur tes réponses. Mais moi, te connaissant, puis connaissant ton copain, un petit peu... je me suis dit, tiens, c'est marrant. Tiens, c'est drôle. Non, mais bah, tu vois, genre, par exemple, les questions genre de quoi t'as peur et de quoi tu rêves, puis c'est vraiment. Bah, t'as vraiment répondu, genre, là, actuellement, de quoi je rêve et de quoi j'ai peur. Et après, c'est comme tu dis, tu vis au jour le jour, donc c'est des questions qui sont sur le moment présent. C'est des choses, j'arrive pas trop à me. Enfin, même de manière générale, j'arrive pas trop à me projeter. C'est un peu quelque chose qui me bloque le futur. Enfin, je préfère laisser venir les choses. Et puis ouais, ma relation amoureuse actuelle, en fait, quand je suis amoureuse, la personne prend toute la place. Oui, ça reste dans un coin de ma tête, même pendant ce podcast. Donc ouais, j'essaie un peu de réfléchir. Enfin, ouais. Je sais pas si c'est ce à quoi tu t'attendais que je réponde. Moi, je m'attendais à rien. Bah, c'est pas un... Oui. C'est vrai que je réponds à tes questions en ayant toujours un petit visage là. Ouais, je trouve ça hyper intéressant. Est-ce que ça te. Est-ce que la possibilité qu'il écoute le podcast, ça te fait quelque chose ? Ça me stresse un peu. Mais. Tu me forces un peu la main, je pense que. Je vais y aller. Faut y aller, hein, de toute façon, t'es chez moi, tu peux pas partir si j'ai pas répondu, j'imagine. Vas-y, balance. Balance la sauce. Comment t'imagines une relation sur le long terme ? Et pour toi, comment est-ce qu'on accède à une relation saine ? Enfin, une relation saine, j'en parlais tout à l'heure, c'est vraiment la communication. C'est encore une fois très cliché de dire ça, mais c'est très vrai. De parler de ce qui va, de ce qui va pas, parce que c'est ce qui permet d'installer un dialogue et de la compréhension de l'autre et de se faire comprendre soi aussi. Moi je peux être maladroite dans ce que je dis et des fois je mets pas forcément les mots ou les formes adéquates et je peux revenir sur un truc que j'ai dit et en disant bah, c'est pas vraiment ce que j'ai voulu dire, je voulais dire ça et en fait voilà, il y a tout un processus de déconstruction de ce que j'ai dit ou de ce que la personne a dit et voilà, après on arrive à se comprendre et c'est comme ça aussi que tu découvres l'autre et que l'autre te découvre et je pense que c'est important de toujours avoir cette attention envers la personne, tu vois, de toujours lui vouloir du bien. Je pense que c'est ça aussi une relation saine, c'est vraiment la personne que t'aimes, ben tu lui veux du bien, t'as pas envie de la détruire en lui faisant des réflexions, des choses comme ça. Voilà, la bienveillance, toujours. Et c'était quoi la première question ? Comment tu vois une relation sur le long terme ? Joker. Ça marche. En fait, c'est que, encore une fois, je... Tu vis le moment présent. Voilà. J'ai pas envie de mettre la pression. Est-ce que tu considères... Je suis encore en train d'avoir plein de questions en même temps, ça m'énerve. Je vais peut-être noter des trucs. Post-it. Est-ce que tu considères que ta relation actuelle est la plus longue que t'aies eue? Non. Ok. Non, parce que c'est encore relativement récent. Mm. Et... Parce qu'on disait que... Enfin, on en discutait en off. Ouais. Mais c'est un peu ta... Enfin, on en a dit plusieurs fois, c'est ta première relation adulte, quoi. Oui. Ouais, c'est ça. Pour ça, je me posais la question. Ouais. Ben, c'est différent en termes de... durée. C'est pas la plus longue. Après, en termes de... force, c'est quand même assez puissant, quand même. Je pense qu'il n'y a pas de comparaison à faire sur les ouais. différentes relations amoureuses que tu peux avoir dans une vie. C'est vrai. Parce que vraiment, suivant la personne que tu as été à un moment donné, la personne que tu es maintenant, suivant les moments précis de ta vie, suivant le... Voilà, il y a plein de facteurs différents et qui font que ben, tu vis tes histoires amoureuses d'une manière différente. Moi, elles ont toujours été un peu différentes au final. Et c'est ce qui fait que bah, je suis moi aussi aujourd'hui et qui fait que bah, je suis bien avec la personne que je suis aujourd'hui aussi, tu vois. C'est vrai. Et je voulais savoir, c'est quoi ton rapport à la famille? Mm-hmm. Et, parce que du coup, t'es l'aînée. Oui. Et t'as deux petites sœurs. Oui. Et du coup, je voulais savoir comment tu te places par rapport à ça. Et aussi, est-ce que parfois, t'as eu des interrogations sur le fait que tes deux petites sœurs sont en couple depuis longtemps? Oui. Alors, l'aînée. je me suis jamais positionnée en tant qu'aînée. Enfin, j'ai jamais eu une responsabilité intérieure. Il faut absolument que je protège ouais. les petits-hôtes. Pas du tout, parce qu'on est quand même assez rapprochés. Mm. C'est-à-dire que j'ai un an de différence avec la sœur du milieu et 4 ans de différence avec la plus petite, donc c'est quand même relativement peu. Donc il n'y a jamais eu cette espèce de côté c'est moi la grande sœur. Mm-hmm. Et puis mon rapport à la famille, en fait, on se voit beaucoup, mais il n'y a pas de ce côté proche fusionnel. Encore une fois, il y a le côté intimité que bah, moi, par exemple, c'est une intimité vraiment particulière avec ma famille qui fait qu'on n'est pas du tout proches physiquement. On ne se fait pas de câlins, on ne se fait pas de bisous, on ne se dit pas je t'aime. Certaines familles le font. Même si on n'est pas du tout une famille à problème, entre guillemets, dans le sens où il n'y a jamais eu de drame, jamais eu de secret familial qui nous a détruit. Non, on est une famille tout à fait normale. Je pense que il y a cette transmission qui est un peu spéciale vis-à-vis de mes parents, c'est-à-dire qu'ils nous disent pas je t'aime, mais ils nous le démontrent par des petites actions un peu tout le temps. Comme inviter à manger, acheter un petit truc par-ci, offrir un petit truc par-là, des tours en voiture, ils m'ont conduit d'innombrables fois. Enfin, vraiment plein de petites choses. Ils sont toujours là à chaque fois qu'il y a un petit truc, un tout petit problème ou un plus gros, ils sont toujours là. Mais il n'y a pas ce côté je t'aide ma fille. Mais au fond, moi ça me va très bien. Ouais. Je suis à l'aise avec ça. Parce que justement, moi je dis pas facilement, je suis pas facilement proche physiquement, je suis pas facilement intime avec quelqu'un. Et c'est un peu bizarre par rapport à ce que je disais tout à l'heure où je disais il faut qu'on gagne ma confiance et tout. Mais ma famille, ils ont ma confiance. Mais il n'y a pas ce côté proche. Mmh. Je me sens pas encore à l'aise avec ça. En tout cas. Je pourrais t'écouter parler pendant des heures. Ah ouais. J'adore. Oh, je suis là, genre, oh, elle est chiante. Elle est chiante, cette nana. On peut pas mettre de la musique. Tu veux mettre de la musique? Non. Tant mieux. Une petite musique d'ascenseur. Juliette, elle aime pas quand je mets de la musique parce que j'écoute des trucs trop joyeux. Pourquoi tu balances ? Ça irait pas avec l'ambiance. Mais moi, je peux pas, quand je me lève, danser sur Aretha Franklin. Ah, mais si, mais c'est important. Mais moi, je peux à partir de 15h, quoi. Mais comment t'arrives à te motiver le matin ? Mais je n'ai pas envie de me lever le matin. Bah justement, écoute, Aretha Franklin. Je n'ai pas envie d'être motivée. Je veux haïr tout le monde toute la matinée. Et après, quand je mange, ça va mieux. Un petit déj. J'ai pas le temps. Puisque je me lève au dernier moment. Parce que je dors. Voilà. Donc tu disais, petit résumé pour les gens qui arrivent maintenant, que la confiance en soi, l'intimité, le partage, l'amour, c'est un peu des choses qui se méritent, je fais des guillemets. Ouais. Par rapport à ça, je me demandais si se construit un sentiment d'appartenance en amour, mmh. et... si ce sentiment peut être parfois lié avec la jalousie. Et du coup, je me demandais ton rapport à la jalousie. Moi, mon rapport à la jalousie... Je pense que je peux l'être un petit peu. Mais vraiment un petit peu. Est-ce que tu peux l'être en amitié aussi ? Un peu, je pense. Mais en fait, on va revenir sur ce côté d'ego et tout, mais... parce qu'il y a ce côté toujours un peu... J'ai un peu peur que l'on me délaisse. Du coup, hop, petite pointe de jalousie, mais au final, ça m'ennuie tellement que je le suis pas vraiment. Est-ce que c'est passif-agressif ? Ça s'enfonce. Mais ouais, mon rapport à la jalousie, en fait, c'est un trait qui m'embête fortement. Du coup, j'essaye vraiment de pas l'être et d'être le plus compréhensif possible, même si ça veut dire se faire force un petit peu parfois. Mais au final, voilà. Mais tu penses qu'on pourrait, parce que t'as dit j'ai peur d'être délaissée, ouais. Est-ce que ça serait nécessairement au profit de quelqu'un d'autre ? Pas forcément, non, je pense pas. Vraiment, il y a ce côté peur de, d'être trouvé, d'être, ouais, d'être rasoir, d'être inintéressante... Je veux pas, je suis peut-être pas très objective parce que je t'en ai mis depuis longtemps, mais quelqu'un qui écoute Aretha Franklin à 8h du matin ne peut pas être rasoir par définition. Non, parce que du coup, tu disais pour ton rapport à la jalousie, mais je. Si. Enfin, je sais pas si. C'est. Pas évident, mais. Je pense pas qu'on se délaisse au profit de quelqu'un d'autre. Non. Ouais. Je sais pas si la... Enfin, moi, c'est quelque chose qui m'intrigue parce que je suis pas du tout jalouse. Mais moi enfin, non plus, je pense qu'on l'est tous un peu, mais... Je pense qu'on l'est tous un peu, en fait, c'est pour ça. Genre, moi, j'aurais plutôt tendance au début à t'avoir dit non, je suis pas jalouse. Mais il y a par moments, bah, en fait, des fois, comment je réagis, je me dis, bon, je suis peut-être un peu. Ok. Ou en tout cas, peut-être... Du coup, c'est un sentiment nouveau pour toi ? Non. Ok. Mais c'est vraiment quelque chose que je rejette. Ouais. Et donc j'ai pas envie. J'ai pas envie d'être jalouse du tout. Bah c'est mais bien. Je sais pas. Franchement, 96% du temps, je le suis pas. Bah ouais, mais bonne stat. Il y a toujours une petite pointe des fois. Après, tu as le fait des fois d'avoir des gens jaloux autour de toi aussi, ça peut te rendre un peu jaloux aussi. Je sais pas comment expliquer, ça fait un peu comme... Oui, bah une fois que le sentiment est jeté, tout le monde se pose un peu la question, quoi. Ouais, c'est ça, exactement. T'as une balle au prisonnier. Oh là là, qu'est-ce que j'étais nulle. Terrible. Est-ce que tu serais capable d'être en relation à distance ? Non. Ouais, j'ai besoin d'avoir la personne à côté de moi. J'ai besoin d'entretenir une relation de contact. Je suis pas très douée pour entretenir une relation via des SMS ou via Skype. Ou via... Vraiment, je suis très mauvaise. J'aime vraiment ce côté humain, ce côté voilà, contact. Et c'est pour ça que j'ai envie de construire quelque chose avec quelqu'un. Ben, c'est avec cette personne à côté de moi. Enfin, ou en tout cas pas loin. Mais vraiment, je sais pas comment expliquer ça, mais Il faut vraiment sentir la présence de l'autre à côté de moi. Parce que sinon, je j'arriverai pas à donner du mien, en tout cas. Je comprends. Moi, puis t'es une personne très occupée, donc ça se... Aussi, déjà. Mais mettons, si j'étais pas occupée, ben... Enfin, si j'avais pas ce travail-là, qui a quand même des horaires de commerce, donc ça, c'est même, spécial. Même autour, tu vas voir des expos, tu vas à des concerts, tu vas au sport, t'as machin. Mais mettons, tu vois, j'aurais des horaires... 8h, 17h, j'aurais du temps après 17h. Je serais OP pour une petite discussion au téléphone et tout. Mais non, parce que c'est un peu bizarre. Il y a quelque chose qui perd son naturel. Et moi, j'ai besoin de ce côté être naturel avec la personne. Si je peux pas être naturel avec les personnes, ben. Ouais. La personne ne me verra pas telle que je suis et moi, je la verrai pas non plus. J'ai besoin de. Quand je parle avec des gens. J'ai besoin de voir les mimiques, j'ai besoin de okay. Voilà, d'avoir tout ce pourquoi la personne est ce qu'elle est, quoi. Et pas juste des petits messages avec des smileys. Une relation exclusivement construite de ça, moi, ça me conviendrait pas. D'accord. Voilà. Après, encore une fois, c'est personnel. Il y a des gens qui y arrivent très bien. Et respect à eux. C'est un truc... Est-ce que t'as déjà quitté quelqu'un ? En amitié, en amour? Non. On revient sur cette peur de l'abandon. Oui, pardon. Là, là, là. Ah, c'est vraiment une question qui est écrite dans ma fiche depuis des Non, non, moi j'ai... Je suis la victime. Je suis constamment larguée. Je suis la victime dans l'histoire. Non. Tu penses qu'on peut pas être celui qui quitte et être une victime? Ah, genre... Ah oui, si. Peut-être un peu, mais après, il y a le côté où... tu subis pas, enfin c'est toi qui as pris la décision, donc tu subis pas la décision de l'autre. Ouais, mais tu subis ta décision. Oh là là, ça peut être si mardi. Une savoie explosée. La prochaine fois on fera un épisode à 10h du matin si t'es crevée. Attends, non, mais est-ce que tu fais des réflexions de dingue? Je dors très peu, oui. Ouais, bah tu subis ta décision, mais c'est la tienne quand même. Enfin, c'est toi qui en es à l'origine, donc... C'était tellement une phrase de bélier. Oui. Ah, mais ça c'est va. Toi. C'est toi, là. Le petit... Oui, il y a le côté bêta-corne qui revient. J'adore. Oh là là, c'est pas facile tous les jours d'être bélier. Est-ce qu'on peut faire une minute astro? C'est quoi ton ascendant, Agathe? Eh ben je sais pas, je crois que c'est scorpion, mais j'ai peur de vivre sur un mensonge. Ah ouais, faut se renseigner là quand même. Ben oui. Mais je sais pas. En fait, c'est par rapport à l'heure de naissance, c'est ça? Tout à fait. Et t'as eu exactement la même conversation avec Mathis? Non. Oui, je crois que c'est scorpion du coup. Et en jugé par ta tête, je crois que c'est pas bon apparemment. Bah, bélier et scorpion... En fait, moi, je suis terrifiée par les scorpions. Pourquoi ? Bah, c'est des gens qui... Tu vois, au début, tu me disais, je trouve que c'est pas bon les gens qui ont trop confiance en eux. Ouais. Pour toutes les raisons, je pense qu'on s'est transmises dans l'esprit. Ouais. Et bah, ça, c'est un scorpion, tu vois. Ah ouais ? Mais, ils ont raison. Tu vois ce que je veux dire ? Ils sont tout ce qu'ils pensent qu'ils sont. C'est hyper impressionnant, les gens comme ça. Tu vois ce que je veux dire ? Ouais, d'accord, oui. Ouais, ils ont une confiance en eux qui est quand même respectable. Bah, qui est avéré, quoi. Enfin, s'ils disent « moi, je suis le meilleur en maths », ben, c'est qu'ils l'aident, tu vois. Ok. Et moi, ça me fait peur, les gens comme ça. Je préfère les gens qui connaissent pas leur potentiel. Oh. Après, ma mère et ma sœur sont scorpions et elles se portent très bien, donc... Bah, parce que du c'est coup, des gens super. C'est ça, le pire, tu vois ouais, ce que mais je veux dire. Pas ce côté « moi, je sais ». À quoi que si, ma sœur, si, carrément. Milieu ou... Ouais. Ouais. Ouais. Ouais. Toi-même, tu sais. Bah, j'espère qu'elle va pas écouter ce qu'elle va venir me défoncer. Tu vois, c'est une personne qui me terrifie. Non, mais. Ah, tout fait sens. Je D'accord, suis. Effectivement, oui, vie comme ça. Ouais. Je suis vraiment la vie cause de sa petite sœur. C'est la vie, hein. Oh. C'est pour ça que j'ai eu ce côté aîné aussi. C'est parce que j'ai jamais su me faire respecter. Comment ça fait vie cause par ta sœur? Ah là là, quelle tristesse. Bon, on le vit bien, hein, franchement. Oui, bah, on s'éloigne un petit peu, tu vois, on change de ville et puis c'est bon, tout va mieux. Pose tout. C'est quoi l'amour en 2020? Tout sauf les réseaux sociaux. Ça, c'est une... c'est quelque chose qui me sort par les yeux, en fait. Hop, un iPhone. Hop là. C'était vraiment une blague visuelle, je suis désolée. Que ce soit filmé. Mais, non, mais tu vois, enfin... genre l'amour 2.0, les gens qui se rencontrent sur les réseaux sociaux, enfin les réseaux sociaux, il y a encore, c'est super mignon les réseaux sociaux, les trucs Tinder et compagnie, c'est pas du tout un réseau social, c'est un supermarché de gens belle métaphore. Avec des dates de péremption. À consommer de préférence avant. Oui, c'est exactement ça. Et j'ai utilisé ce truc-là, hein. En plus, du coup, je sais pas, comme si je parlais de quelque chose où j'étais jamais allée, hein, mais ouais, l'amour, c'est, j'espère, en 2020, c'est du contact humain, beaucoup de contact, de l'échange, de la tendresse, et voilà, plein de bonheur pour tout le monde. Okay. Je parle encore du nez. Bah ça, c'est un truc qu'on adore. Nous, on est... Ah ouais, c'est une particularité bien sympathique. Quel bouquin tu pourrais citer à des gens qui se déconstruisent en ce moment sur le genre et la sexualité? Est-ce qu'il y en a un qui t'a ému particulièrement? Ben, moi, je voudrais parler des BD de Liv Strömquist, qui est une nana sans sas, deux pouces en l'air, comme ça. Elle a vraiment deux pouces en l'air. Alors Liv Strömquist, si je dis pas de bêtises, elle est suédoise. Mmh. Et elle a plusieurs BD à son actif. Autant de cordes à son arc. Tout à fait. Et on peut qualifier ces BD de d'essais. Enfin, c'est des essais en BD où en fait elle parle toujours d'un constat. Et puis elle va un peu déconstruire ce constat avec plein d'idées à elle, plein de références aussi, soit à la pop culture, soit à des choses plus anciennes, au mythe grec. Même des trucs pointus, hein, parfois. Ouais, ouais, c'est vraiment... En fait, elle va parler de plein de choses. Elle peut parler de Leonardo DiCaprio, comme de Schopenhauer, comme de Nietzsche ou Oedipe. Enfin, vraiment, c'est genre... J'ai fini le chapitre sur Whitney Houston, voilà, il y a pas longtemps. Il y a plein de... Incroyable. Elle a plein de références de dingo. J'ai désarticulé son nom. Whitney Houston. Je suis désolée. Et dans ces BD, voilà, elle aborde la sexualité, le couple, la prédomination du mâle sur la femelle, d'où ça vient. Sa dernière BD, c'est sur la création du sentiment amoureux. Je l'ai trouvée passionnante, celle-ci. Incroyable. Et vraiment, c'est à quelqu'un qui te fait vraiment réfléchir. Et c'est ultra accessible une fois que t'es lancé dans le truc. Franchement, c'est super intéressant. Pour quelqu'un qui lit pas trop et qui a envie de s'intéresser à ça, faut foncer, pas les yeux fermés parce que t'en as besoin pour lire. Mais tu es si drôle. Merci, merci. Qu'est-ce que t'écoutes en ce moment? Qu'est-ce que j'écoute en ce moment? Ah, c'est vraiment à titre personnel parce que je sais plus quoi écouter. Alors, moi, en musique, hein, parce qu'en podcast, j'avoue que j'en écoute très peu. Mm-hmm. En musique, qu'est-ce que j'écoute? Enfin, j'avoue que j'écoute toujours en boucle l'album de Lizzo. Mm-hmm. Parce que le matin, c'est bien péchu, on aime bien. Sinon... Voilà, bisous et péchu. Péchu. Il y a... Je vais te donner des noms de chansons, si tu veux. Parce que je les connais pas. T'as écouté Pic TV? J'ai pas écouté le dernier, non. Désolée. Mais il y a pas de souci. Moi, je recommande vraiment à tout le monde d'écouter Pic TV. Les deux derniers épisodes en particulier, mais tous, vraiment. Je le dis avec aucune sensation dans ma voix. Non, c'est Pic TV, c'est un podcast sur... ce sont deux journalistes de Slate qui décryptent et analysent les séries télé à chaque fois sur un thème particulier comme les meurtriers dans les séries ou pourquoi sommes-nous fascinés par les personnages en couple dans une série, les femmes badass, etc. etc. Toujours très intéressant, des séries... c'est toujours agréable déjà quand les gens parlent d'une série qu'on a vue. Je trouve ça intéressant de un peu la réétudier, la réécouter sous un autre angle, mais aussi de vieilles séries qu'on n'a pas forcément eu la chance de regarder, par exemple parce que moi j'étais trop jeune, ou des choses comme ça. Et je trouve ça très très agréable, c'est assez... elles ont un peu un caractère... elles osent dire quand ça plaît pas, quoi. Et ça j'aime bien quand elles démontrent les séries que j'aime pas aussi. Donc vraiment je recommande, voilà. Allez tous écouter Pic TV. Et moi, du coup, j'écoute aussi la BO du film L'Adieu, qu'on allait voir ensemble. Oui. Notamment avec la chanson Come Healing. Ok. Avec mon super accent, que je trouve magnifique et que, pour une fois, je vais te surprendre, mais pas du tout... Bah oui, parce que je me rappelle pas d'une chanson qui bouge dans ce film. C'est la scène de... C'est vers la fin. Spoiler alerte pour tous ceux qui n'ont pas vu L'Adieu. Mais c'est une chanson vers la fin et c'est une scène assez triste. Et elle m'a un peu marquée dans ce film-là. Et voilà, donc c'est Come Healing de Elena Boynton. Ok. Dans le film L'Adieu. J'irai l'écouter. Elle est magnifique. Trop cool. Voilà. On arrive bientôt à la fin de ce podcast. Il me reste une question à poser à Agathe. Est-ce que tu es prête? Oui. Oui, Jean-Pierre. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter en 2020? Oh là, plein de belles choses. Toujours plus de découvertes, parce qu'il n'y en a jamais assez. Faut jamais se contenter de l'acquis et toujours chercher à en découvrir plus. Plus de copains et de verres en terrasse, parce que moi aussi j'ai hâte que l'été arrive, mine de rien. Des voyages et de l'amour. Wow. Petit clin d'œil. Voilà. Merci à toutes et à tous d'avoir écouté ce podcast jusqu'au bout. On espère que ça vous a plu. Ouais, parce que c'était long un peu quand même. Ah oui, vraiment, tu sais, tu critiques déjà, quoi. Non, c'est pas vrai, c'était pas long, elle s'est éclatée jusqu'au bout. Dis-leur. Moi, j'ai adoré. Venez tous sur Brioche de vie. Merci, ciao.